Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on va commencer. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on a terminé hier le sixième cours dans le livre de Durusun min al-Qur'an du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui, on arrive au cours numéro 7, qui est le dernier cours dans le livre Durusun min al-Qur'an al-Karim. Donc, on va compléter, inshallah, le dars d'aujourd'hui sur ce sujet-là, qui est Al-Amr bil-Ma'ruf wa al-Nahy al-Munkar. Et c'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ce sera le dernier cours qu'on va donner sur ce livre. D'accord? On va continuer la semaine prochaine, si on continue inchallah, avec un autre livre qui est Kitab al-Ilm du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen. On va pas lire au complet le livre du Cheikh Ibn Uthaymeen, mais uniquement certains titres du livre, parce qu'il y a plusieurs points dans ce livre-là qui sont intéressants, qui sont importants. Donc on va en lire quelques-uns entre ces titres-là, inshallah. Donc pour l'instant, on va commencer, bismillah, avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est Al-Amru bil-Ma'ruf wa al-Nahyu 'anil Munkar. Ok. Donc on commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tamhidun fi bayani ahamiyatihi. C'est une introduction pour expliquer l'importance de ce sujet qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le Cheikh il dit: La shakka anna al-amra bil ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar 'ala janibin 'azimin min ad-din. Hatta 'addahu ba'd al-'ulama min arkan al-islam. وفي بيان جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر له أركان الإسلام الخمسة وقال وأن تأمر بالمعروف وأن وتنهى عن المنكر وكان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et fait partie des grands aspects de la religion. Hein. Et même que certains parmi les ulama ont considéré que d'ordonner le bien et d'interdire le mal est un parmi les piliers de l'islam. Comme ça a été mentionné dans une version du hadith de Jibril, lorsque Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, eh ben, il a mentionné parmi ces cinq piliers, yani, anta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. C'est-à-dire que tu ordonnes le bien, que tu commandes ce qui est ma'ruf, ce qui est bien, et que tu interdis ce qui est munkar, c'est-à-dire ce qui est mauvais. Wa kana as-sahaba yubay'una, les sahaba, ils faisaient le bay'ah, ils donnaient un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils allaient ordonner le bien et qu'ils allaient interdire le mal. وذلك أن الناس إن كانوا مسلمين مؤمنين لكن تقع منهم مخالفات فالإنسان ضعيف تجره الشهوة والفتن إلى الشر ويحتاج إلى من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لأن داعي الشهوات والشبهات داع كبير. Donc le cheikh il dit que l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal, même si par exemple on est des musulmans et on est des croyants, yani c'est sûr que parmi nous il va arriver certaines mukhalafat, yani certaines choses qui sont en contradiction avec l'islam, avec la foi, hein, c'est-à-dire qu'il va, il va y arriver des péchés et des choses qui sont contraires à l'islam, parce que l'être humain est faible. Et souvent, ses passions et ses tentations l'amènent vers le mal. Donc, il a besoin de quelqu'un qui va lui ordonner le bien et qui va lui interdire le mal. Parce que toutes les choses qui appellent vers les désirs et les tentations et les shubuhat, les doutes et toutes ces choses-là sont des choses très grandes, parfois qui peuvent tenter quelqu'un qui le peut le faire tomber facilement dans le péché. Et si on réfléchit quelques secondes juste sur ce point-là, en pensant à ça, on réalise que en même temps, subhanallah, l'islam est établi sur ce principe d'ordonner le bien et d'interdire le mal, alors que la société de Kufr est établie sur l'opposé total, c'est-à-dire sur la liberté et sur le principe de vivre et laisser vivre. Hein. Tu vis, tu fais ce que tu veux et tu laisses tous les autres faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un fait un péché, si quelqu'un fait quelque chose contraire au droit et contraire à ce qui est bien, tu ne dois pas t'en mêler, tu ne dois pas t'en occuper, ça ne te regarde pas. Donc ça c'est la mentalité puis l'esprit qui règne en Occident puis dans les pays de Kufr. Et maintenant cette philosophie-là, ou bien cet esprit-là, ou cette mentalité-là, a envahi le monde entier. Disons même la plupart des pays musulmans. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde musulman où maintenant les gens hésitent d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou vont avoir, vont être timides ou gênés, ou même avoir peur parfois d'ordonner le bien ou d'interdire le mal autour d'eux. À cause de l'idée qu'il y a une liberté et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, et que chacun doit se mêler de ses affaires. Donc, cette mentalité-là, parfois, elle a empoisonné la mentalité des pays musulmans et des gens qui vivent dans ces pays musulmans-là, au point de les amener à croire à ces philosophies-là ou à ces principes des koufars, d'une façon que même les koufars eux-mêmes n'arrivent pas à croire à ces principes-là d'une façon aussi aveugle. Subhanallah, c'est des choses que j'ai remarqué moi-même, parfois en vivant dans certains pays musulmans, et puis c'est des choses que j'ai remarqué même ici, en voyant certains musulmans qui viennent, qui ont grandi, qui ont vécu dans les pays musulmans, à quel point ils sont convaincus de certains de ces principes-là. Et que lorsqu'on leur ordonne ou qu'on leur commande quelque chose de l'islam, et lorsqu'on leur interdit quelque chose qu'est-ce qui est haram dans l'islam, on voit leur réaction et leur idée, et leur réaction c'est de dire ça te regarde pas, c'est pas de tes affaires, on est libre, chaque personne fait ce qu'il veut. Donc c'est des gens qui ont oublié ce grand principe de notre religion, qui est le fait d'ordonner le bien, de commander le bien et d'interdire le mal. Et ce principe des koufars, qui est de dire par exemple vivre et laisser vivre, c'est un principe et c'est une idée qui est très très dangereuse. En fait, c'est un principe qui amène toute société à sa propre destruction. Et donc c'est une question de temps, pour que cette société occidentale, se détruise par elle-même à cause de ces idées, justement. Et ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de ces principes-là, justement. Ils sont obligés parfois de mettre des barrages ou des choses pour l'arrêter, parce que sinon, ils vont l'amener à sa propre destruction. D'accord? Donc, c'est une idée qui est destructrice. Parce que si tu l'appliques sur d'autres choses que sur la vie, comme eux ils disent vivre et laisser vivre, si tu l'appliques à d'autres choses comme par exemple mentir et laisser mentir, hein? Vivre et laisser vivre, ça c'est un verbe, mais il y a d'autres aussi. Si tu l'appliques à ces verbes là tu vois que c'est complètement absurde. Mentir et laisser mentir, voler et laisser voler, hein? Donc c'est comme si tu l'appliques de cette façon là tu réalises que si tu l'appliques à toute chose dans la vie, ça peut pas tenir. Donc c'est pour ça, dans l'islam, alhamdulillah, l'islam c'est un filtre pour toute société, et quand on doit, et c'est pour ça qu'on doit juger toute idée et tout principe en le faisant passer à travers ce filtre, hein, qui est Kitab al-Sunnah, et on garde tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais de n'importe quelle société, qu'elle soit occidentale ou orientale ou peu importe, et bien on garde uniquement le bien, puis le mal on le rejette, hein. Donc on va continuer avec l'explication du cheikh. Il dit والله جل وعلا يمتحن إيمانه يمتحن إيمانه نقص أو المنافق الذي ليس عنده إيمان أصلا فالله يمتحنهم ويبتليهم بما يعرض لهم من الشهوات والشبهات ودواعي الشرور فكان لا بد من قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل إصلاح ذلك الخلل. Donc, comme le cheikh a expliqué, il y a beaucoup de shahawat, il y a beaucoup de shubuhat, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ces choses-là existent dans le but de tester la foi de quelqu'un, pour voir celui qui a une faiblesse dans sa foi, hein, comme, ou bien pour tester également, pour faire apparaître l'hypocrite, al-munafiq, celui qui n'a pas réellement de foi dans son cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les teste et il les met à l'épreuve, hein, en les mettant en contact avec parfois certaines de ces tentations-là et ces choses-là, pour voir leur réaction et comment ils vont se tenir devant le commandement du bien et l'interdiction du mal. C'est dans le but en réalité de corriger puis de réformer ces choses-là et ces sociétés-là et ces gens-là, pour enlever les imperfections puis les choses qui sont incorrectes en nous et dans la société. Donc, alhamdoulillah, parfois tu vois que lorsque tu vas commencer à ordonner un bien et interdire le mal, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Les gens vont être insatisfaits ou bien incontents de toi. Ils vont pas être contents dans le sens que tu leur interdis ce qu'ils aiment faire et tu leur commandes de faire ce qu'ils n'aiment pas. Ça c'est dans le cas où quelqu'un, par exemple, a une foi très très faible et qu'il ne comprend pas bien les concepts et les principes de la religion. Donc c'est important de faire attention, et on va expliquer ça plus en détail un peu plus loin, inshallah. Le cheikh il dit فَقَدْ شَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِمَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ أي الملتزم بحكم الله القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع فيها أي العاصي والمخالف شبههم بقوم استهموا على سفينة في البحر بعضهم أصاب أعلاها أي الطابق العلوي وبعضهم أصاب أسفلها فكان الذين في الدور الأسفل يحتاجون إلى أن يصعدوا إلى الدور الأعلى ليستقوا الماء ويأخذوه للشرب والاستعمال فقال بعضهم لبعض أي الذين في الدور الأسفل لو خرقنا في قسمنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا فلو تركهم أهل الدور العلوي يخرقون السفينة لغرق الجميع إذ يدخل الماء في السفينة يغرق الجميع وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة نجا الجميع. Le cheikh explique un hadith qui est rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir par l'imam al-Bukhari dans son livre, et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler la personne qui se tient sur les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et ceux qui font les péchés, il les a, yani les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il les a comparés à deux groupes de personnes qui sont sur un bateau. Hein. Deux groupes de personnes. Ils ont fait un tirage au sort pour savoir qui allait être en haut, qui allait être en bas. Donc ceux qui ont été en bas, il y a un groupe qui était en haut du bateau et un autre qui était en bas dans le bateau. Donc ceux qui étaient dans la cale, yani parfois ils avaient besoin de monter en haut pour aller chercher de l'eau, pour boire ou bien pour utiliser. Yani. Alors certains d'entre les gens qui étaient en bas ont dit, yani on dérange les gens qui sont en haut à chaque fois quand on a besoin d'aller chercher de l'eau. Donc ce serait mieux de faire un trou dans le bateau pour prendre directement l'eau pour l'utiliser. Au lieu d'aller par en haut à chaque fois et déranger les gens qui sont en haut de nous. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si les gens du niveau qui est en haut laissaient les gens d'en bas faire un trou dans le bateau, ils se seraient tous noyés parce que le bateau allait couler et l'eau allait rentrer dans le bateau. Donc le cheikh dit il faut que les gens prennent les mains des gens qui sont en bas pour les empêcher de faire le trou pour qu'ils soient tous sauvés. Hein? Et ça, c'est une sorte de parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous faire comprendre l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal en comparant la société à un bateau où il y aurait des gens qui sont en haut, c'est-à-dire les gens qui obéissent à Allah et qui craignent Allah, et d'autres qui sont en bas, c'est-à-dire des gens qui font des péchés, hein, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, c'est ces gens-là qui sont en bas en réalité et qui font leurs péchés, yani, ça représente en même temps la bassesse de leurs instincts et de leurs désirs, yani, des gens qui suivent leurs passions. Puis eux, yani, ils sont en train de faire couler la société, comme quelqu'un pourrait faire couler un bateau. Hein. Mais yani, c'est ça que le hadith essaie de nous faire expliquer, que si on laissait ces gens-là qui sont en bas faire tout ce qu'ils veulent, eh bien, toute la société en entier aurait coulé. Et parfois, yani, même ici, quand on explique ça à des gens, yani, on parle avec des non-musulmans, j'ai eu souvent des conversations avec certains d'entre eux, et quand on parle de la société, je leur parle de la morale dans la société ici, qu'il n'y a pas de morale et tout ça. Et ils disent, c'est pas nouveau, c'était toujours comme ça, même avant il y en avait. Ils veulent pas admettre que la société s'est empirée et que le mal est plus généralisé maintenant. Alors, ils essaient de dénigrer ça en disant que oui, il y en avait du mal avant aussi. Et ben, moi je leur dis, bien entendu il y en avait du mal, mais la différence avec avant et aujourd'hui, c'est qu'avant le mal était fait en cachette. Les gens se cachaient pour faire le péché ou pour faire du mal. S'il y en avait qui en faisaient, c'était vraiment une petite minorité. Alors que maintenant, le mal que les gens faisaient auparavant, maintenant on le fait ouvertement. On le fait en public. Et lorsque les péchés se font en public, ça prouve que il y a quelque chose qui est parti dans le cœur des gens, c'est-à-dire la honte et la pudeur, la timidité de faire quelque chose de mal devant les gens est partie. Ça montre que la société commence à perdre de sa foi, de sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est un très mauvais signe. Et c'est à partir de ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber les châtiments sur les gens, sur les populations, lorsqu'ils commencent à faire leur péché en public. Et le cheikh il dit, فَكَذَلِكَ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالسَّفِينَةِ هُنَا هِيَ الشَّرِيعَةِ. Le cheikh il dit que là, il dit, c'est comme les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bateau ça représente la sharia. لِأَنَّهُ لَا نَجَاتَ لِلْبَشَرِ إِلَّا بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ. C'est la société et les êtres humains ne peuvent pas être sauvés excepté avec cette charia. وَالَّذِي يَخْرِقُهَا هُوَ الَّذِي يَعْصِي وَيُخَالِفُ. Celui qui fait le trou, celui qui désobéit et qui contredit l'ordre des prophètes et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم أهل الدور الأسفل c'est les gens qui sont en bas comme j'avais expliqué والذين يمنعونهم ويأخذون على أيديهم هم أهل العلم والعقل والإيمان في الدور الأعلى et les gens qui sont qui les empêchent et qui prennent leurs mains pour les empêcher de faire des trous dans le bateau c'est les gens du ilm les gens qui possèdent le ilm parmi les musulmans les ulama les gens qui ont al-aql al-ilm ou al-aql ils ont la raison et ils ont la foi et qui sont et ces gens-là sont sur le niveau plus élevé du bateau donc les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal s'ils les laissent si on les laissait eh bien la charia elle serait complètement il y aurait des trous dans le bateau puis la société serait en train de se noyer et il y a une autre chose qu'on peut extraire de cette explication du cheikh c'est que les gens de bien sont toujours une minorité en général dans une société donc c'est normal que les gens du ilm sont moins nombreux il y a toujours moins d'ulama dans la société que de gens ignorants il y en a toujours moins et il y a toujours moins de gens qui sont sur le droit chemin que de gens du bien il y a toujours moins de gens du bien que de gens du mal donc ça montre que parfois on entend cette choubha yani, de la part des gens égarés yani, parmi les musulmans ou bien même parfois de la part des koufars qui disent ah mais c'est ceux qui appellent à l'islam parmi les musulmans ce sont des intégristes ce sont des gens qui sont une minorité parmi les musulmans et donc ils ne représentent pas la grande majorité de musulmans qui veulent s'intégrer à la société canadienne ou française ou autre et donc il ne faut pas regarder ce groupe-là qui est une minorité mais il faut regarder la grande majorité qui sont des gens ordinaires qui veulent vivre leur vie normale et puis qui aiment yani, s'intégrer dans notre société donc ces gens-là ils n'ont pas compris réellement que yani, les ulama et les gens du ilm hein, eux ils les appellent par les termes comme intégristes pour essayer de les marginaliser parmi les musulmans alors qu'ils ont oublié qu'en réalité les ulama sont yani, ceux qui sont à la tête de notre société en tant que musulmans, c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous montrent le droit chemin, c'est eux, disons, les capitaines du bateau, si on compare ça avec le bateau. Hein? Donc c'est normal qu'ils soient une minorité. Donc dans la société musulmane, il y a des gens qui sont à la tête et qui nous montrent le droit chemin. Et ceux qui font le da'wah avec ilm et avec compréhension et avec connaissance, parmi les musulmans, eh bien, ils sont une minorité dans la société, mais cette minorité-là, c'est la minorité la plus importante. La plus influente parce que c'est elle qui amène, qui explique au reste de la société, au reste des musulmans, les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les éviter, pour qu'ils évitent de tomber dans les erreurs, dans les péchés, dans les choses qui sont contraires à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'ils soient une minorité, il ne faut pas se surprendre de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, il glorifie la minorité. Il glorifie la minorité et il fait toujours savoir que c'est toujours un petit groupe parmi les gens qui sont sur le droit chemin, alors que la majorité en grande partie souvent est dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ La plupart d'entre eux ne croient pas en Allah excepté qu'ils sont des mushrikines. Ils disent qu'ils croient en Allah. Quand on leur demande qui a créé le monde, ils disent Allah. Et quand c'est le temps d'adorer, ils adorent autre que lui. Ça, c'est la réalité dans l'humanité. On voit ça. Également, on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ Mais la plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne raisonnent pas. Donc ça c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Hein? Allah dit par exemple à propos des gens du livre, minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun. Parmi eux, il y en a qui sont des croyants, hein? C'est-à-dire ceux parmi eux qui ont cru à leur messager avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Ou bien ceux par exemple qui ont accepté l'islam parmi eux, ceux-là sont les mu'minun. pas que les, tous les gens du livre sont des mu'minoun comme certains essaient de l'interpréter. Wa aktharuhumul fasiqun, mais la plupart d'entre eux sont des fasiqun. Donc ça veut dire que yani la majorité d'entre eux sont des gens pervers. Et ça c'est la réalité. Donc on peut pas se baser sur le fait ou essayer de dire que bon parce que des gens sont une majorité, c'est eux qui sont sur le droit chemin, c'est eux qui représentent le bien, et que parce que les gens sont minoritaires, ils représentent pas la Ummah. C'est les ulama qui représentent les musulmans, et les gens qui suivent le droit chemin, c'est eux qui représentent les musulmans, et non pas la grande majorité de personnes qui sont pas nécessairement sur le droit chemin. Et tout, on retourne tout ça, on doit le retourner au Coran et à la Sunna. Donc il y a ce point-là qui est très important, et bien entendu il y a un petit groupe de gens qui sont déviés parmi les gens de Bid'a qui font du désordre sur la terre et qui créent la fitna pour les musulmans, dans le sens qu'ils font du terrorisme, qu'ils font de la fitna, et à cause de ça, ça donne une mauvaise image à l'islam, une mauvaise image aux musulmans. Et c'est vrai que ces gens-là sont une minorité, mais une minorité dégarée, une minorité qui a contredit la minorité des ulama. Eux, ils contredisent les ulama, ils contredisent le Coran, ils contredisent la Sunna. Donc dans ce sens-là, ils essaient de mélanger entre en utilisant un terme aussi large que le mot intégriste, ils réussissent à incorporer tout le monde dans le même paquet. Yani. Les ulama de l'islam, les gens qui appellent à l'application de l'islam, les gens qui font des actes de terrorisme, les gens qui font toutes sortes de désordres, et ils les mettent dans le même paquet pour essayer de dire tous ces gens-là sont la même catégorie, sont les mêmes personnes, et ils sont tous un danger, puis ils sont tous mauvais. Alors que, yani, il faut faire il faut faire des nuances, il faut expliquer, il faut clarifier la réalité et montrer aux gens que non, être en accord avec le Coran et la Sunna, commander aux gens qu'est-ce qui est dans la charia, ordonner le bien, interdire le mal, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, et c'est pas ça que l'islam nous demande de faire, et donc il faut faire la distinction entre l'égarement et le droit chemin pour que il y ait moins de confusion yani dans l'esprit des gens à ce sujet-là, et que les médias occidentaux cessent de créer des confusions justement pour mélanger tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ils vont montrer un terroriste avec une barbe, et après ils vont montrer un frère salafi qui est sur le Coran et la Sunna avec une barbe, et là ils vont tout de suite faire un lien pour dire « Ah, regardez, ils sont tous pareils. » Alors que en réalité, c'est la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc le cheikh il continue et il dit هذا مثل مطابق للآمر هذا مثال مطابق للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأنه إذا قام أهل العلم وأهل العقول السليمة يأخذون على أيدي السفهاء نجوا جميعا من الهلاك والعذاب أما إذا تركوهم وشأنهم وتساهلوا في أمرهم فإنهم يخرقون الشريعة بالمعاصي ويغرق الجميع فهذا من الأمثلة النبوية العظيمة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمخالفين. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est un exemple justement qui correspond aux gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et parmi qui établissent ce commandement-là ou ce principe-là, parmi les gens de ilm, parmi les gens qui ont une raison qui est propre, ils prennent les mains des gens qui sont faibles d'esprit et ils les empêchent de tomber dans la perdition puis dans le châtiment, parce que si on les laisse et qu'on fait comme les koufars disent, vivre et laisser vivre, et bien là ils prennent les choses à la légère. Et yani, on commence à voir qu'ils font, ils remplissent les sociétés musulmanes de péchés, et ils font tomber tout le monde dans la perdition. Donc ça fait partie des grands exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné parmi les paraboles qui nous a frappé, qui nous a donné pour nous faire comprendre l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et d'arrêter les gens qui font le désordre sur la terre. Il dit après, Al-adillatu min al-Qur'an ala wujub al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Quelles sont les preuves dans le Coran et dans la Sunna de l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Donc le cheikh il commence et il dit, fil Qur'an al-Karim ayatun kathiratun tahuthu 'ala hadha al-amr. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأن اللام في ولتكن للأمر وأمة أي جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة من أهل العلم والبصيرة فإنهم قاموا بفرض الكفاية وإذا تركه الجميع أثموا جميعا وهلكوا. Donc le cheikh il dit que dans le Coran il y a beaucoup de versets qui incitent à ordonner le bien et à interdire le mal, et parmi ces versets là il y a le verset 104 dans sourate Ali Imran qui dit, et qu'il y a parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui interdise qui ordonne le bien, qui commande le bien et qui interdise le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Oulaika humul muflihun. Donc le cheikh il dit, ça c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal takun. Hein? Et ça c'est un verbe, c'est une façon de donner un ordre, de commander, yani qu'il y ait un groupe parmi vous. Parce que Umma, le cheikh il dit ensuite, Umma ça veut dire un groupe, hein, parmi vous qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que s'il y a un groupe parmi les gens de ilm et de basira, les gens qui ont du ilm, qui ont une bonne compréhension, une bonne compréhension de la religion, qui prennent leurs responsabilités et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, hein, qui ont rempli cette obligation qui est un fard kifaya, alors dans ce cas-là, on peut dire que la société a rempli sa responsabilité. Par contre, si tous les musulmans l'abandonnent, alors tous les musulmans sont dans le péché et ils sont dans la perdition. Parce que on a déjà expliqué plusieurs fois que al-fardul kifaya, ça veut dire c'est une obligation qui est obligatoire pour une partie, tant qu'il y a une partie de la Umma, un nombre suffisant dans la Umma qui l'ont appliqué, qui le mettent en application, alors pour le reste, ça devient uniquement une chose recommandée de le faire. C'est pas obligatoire, c'est juste recommandé pour le reste. Parce qu'il y a déjà une partie suffisante qui ont appliqué cette obligation-là. Tandis que si tout le monde l'abandonne en entier, et bien là, ils sont tous dans le péché jusqu'à ce qu'un groupe suffisant de personnes le mette en application. Et souvent, c'est par opposition à ce qui est fard ayn. Fard ayn, c'est-à-dire une obligation qui est obligatoire à chaque individu, comme par exemple la salat. Salat c'est fard ayn parce que c'est obligatoire à chaque musulman, pour chaque musulman. Tandis que cette obligation-là d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est obligatoire à une portion ou à une partie de la Ummah. Dans chaque pays musulman, il doit y avoir une partie de, une partie des musulmans qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Ou bien dans chaque ville, il doit y avoir un groupe ou une partie des musulmans qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Parce que pour que la société reste en bonne santé, disons. Et dans le passé, dans les sociétés musulmanes, le dirigeant, le gouverneur des musulmans, souvent, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait une institution d'un système qu'on appelle Al-Hizba. Et Al-Hizba, c'est une institution, disons, qui est établie par le gouverneur des musulmans et qui a pour responsabilité de faire respecter les règles de la charia dans la société. C'est comme une police des mœurs, si on veut, et ils sont là pour faire appliquer les commandements de la charia dans la rue et dans la société. Et dans la plupart des pays musulmans, ça n'existe plus. Ça a été aboli lors de, un peu avant ou bien durant la colonisation, lorsque les koufars sont entrés dans les pays musulmans. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont changé beaucoup de choses dans notre façon de vivre. Et c'est demeuré jusqu'à maintenant. Un des seuls pays qui a encore cette institution-là, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont qu'est-ce qu'on appelle Hay'atul Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. C'est une institution qui a pour responsabilité de faire respecter les règles de la charia dans les rues, dans la société. Donc ils vont marcher par exemple dans les souks, dans les marchés et tout. S'ils trouvent par exemple un marchand qui vend quelque chose qui est contraire à la charia, ou ils vont trouver par exemple une femme qui se couvre pas, ou bien ils vont trouver par exemple des gens qui ferment pas leur magasin à l'heure de la salat, et bien là, eux ils ont une autorité, le gouverneur leur donne une autorité, et ils sont capables de forcer les personnes à respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont capables de donner aussi des amendes et des punitions pour ceux qui respectent pas les règles de la religion. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de l'islam que beaucoup de musulmans ont oublié. Et certains, surtout ceux qui ont été influencés par les idées des non-musulmans, de liberté, de liberté de croyance, de liberté de pensée, de liberté d'action, la liberté individuelle soi-disant, et qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas étudié comme il faut les règles de l'islam, ils s'imaginent que dans l'islam, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il se base sur le verset « La ikraha fid din ». Il n'y a pas de contrainte en religion. Et ils pensent que ça s'applique à eux. Alors qu'en réalité, « La ikraha fid din », ça s'applique pour les non-musulmans, ceux qui ne sont pas croyants, et on ne peut pas les forcer à se convertir. On ne peut pas les convertir par la force. C'est soit qu'ils payent la jizya, ou bien qu'ils acceptent l'islam, ou soit qu'ils payent la jizya, s'ils font partie des gens du livre. Sinon, une fois qu'ils ont payé la jizya, on n'a plus le droit de les forcer. On peut les appeler quand même à l'islam, mais on n'a pas le droit de les forcer. Et ça, c'est selon une position parmi les positions des ulama. Parce que les autres, il y a des ulama qui disent que en dehors des gens du livre, on peut les forcer, c'est-à-dire les autres mushrikin, on peut utiliser la force avec eux, soit qu'ils n'ont pas le choix de payer la jizya, mais c'est seulement les gens du livre qui ont ce choix-là. Mais il y a certains musulmans qui essaient d'utiliser ce verset pour essayer de l'appliquer aux musulmans et de dire que dans la société, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce qu'on ne peut pas forcer personne à faire quoi que ce soit dans l'islam. Ça, c'est faux, Si on laissait tout le monde faire ce qu'il veut, ce serait le désordre sur la terre. Et j'ai entendu certains conférenciers expliquer que dans l'islam, par exemple, on ne peut pas forcer notre femme ou notre fille à porter le voile, par exemple. Et si quelqu'un dit ça, ça veut dire que si tu as une jeune fille, on va dire qu'elle a 16 ans ou quelque chose comme ça, elle décide de sortir dehors, de mettre une mini-jupe et de sortir avec des talons et tout, puis faire la fitna dans la rue, t'as pas un mot à dire. Tu dois la laisser faire. Ça c'est pas l'islam. Ça, c'est l'absurdité. Si on laisse toutes les femmes faire ça, parce qu'elles suivent le shaitan, qu'est-ce qui va arriver dans la rue? Il va y avoir plein de désordres, plein de tentations, plein de zina, plein de toutes sortes de péchés dans la rue. Donc, il faut mettre un stop à ces choses-là et de dire que la ikraha fid din, ça signifie qu'on ne doit pas les empêcher de faire ça. Mais ça, c'est d'interpréter le Coran en dehors de son contexte. Donc, comme je disais, il faut qu'il y ait une partie de la société qui ordonne le bien et qui interdise le mal. Et cette institution-là qui s'appelle Al-Hizba, Ibn Taymiyyah a écrit un livre à ce sujet-là, ça s'appelle Al-Hizba. C'est très très intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette institution-là, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans tous les pays musulmans. Dans tous les pays musulmans. Le fait que, par exemple, on doit fermer les commerces à l'heure de la prière, ça c'est pas seulement en Arabie Saoudite que ça doit être, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste à Mecca et Medina que ça doit être comme ça. C'est normal parce que c'est Mecca, ah, c'est normal parce que c'est Medina. Mais non, c'est partout comme ça que ça doit être, dans tous les pays musulmans. Comment une société musulmane, les gens peuvent entendre le adhan 5 fois par jour et garder les magasins et toutes les choses ouvertes, et des gens qui entendent le adhan, des gens qui voient des gens aller prier, et le reste de la société qui reste là assis dehors à regarder ou bien à rien faire ou à jouer. Et ça c'est complètement absurde. Donc alhamdoulilah, on voit que dans ce verset là il y a l'ordre d'ordonner le bien, le commandement pour une partie de la société d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Bien entendu, ici, il y a ce groupe-là qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Ça ne veut pas dire que c'est seulement eux qui ont l'obligation de le faire. C'est-à-dire, ou bien ça ne veut pas dire non plus que c'est seulement eux qui doivent le faire et que les autres, une fois que ces gens-là sont là ou que cette institution-là est là, les autres parmi les musulmans ne peuvent pas eux aussi appliquer cet ordre-là. Non, c'est recommandé pour les autres. Bien entendu, pour les gens parmi eux qui ont de la connaissance et qui savent ce qui est halal et ce qui est haram, qui connaissent les règles, qui connaissent les questions de divergence d'opinion entre les ulama sur certaines questions, il ne faut pas tomber dans des shubuhat. Il faut que ces personnes-là, bien entendu, utilisent de la sagesse, l'hikmah, et que ces gens-là utilisent également de la douceur, pour pas faire justement arriver un mal plus grand que celui qu'on veut changer ou interdire, d'accord. Et donc si on voit un mal, parce que c'est déjà arrivé une fois, parce que j'étais en Arabie Saoudite et quand j'ai ordonné à quelqu'un, ou j'ai changé un mal quelque part, et la personne m'a dit, est-ce que toi tu travailles dans Hayat al-Amr bin Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar? C'est-à-dire, est-ce que toi tu fais partie de cette institution-là, est-ce que tu travailles pour eux? Il dit non, mais je suis un musulman, et en tant que musulman, c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de faire ce que je peux pour interdire un mal. D'accord? Donc, Yanni, c'est un exemple. Par exemple, il y avait une émission de télévision, on était en train de manger dans un restaurant, et tout le monde était assis, on regardait, et les gens regardaient la télé. Mais là, tout d'un coup, une émission égyptienne est commencée, et dans cette émission, on voyait des femmes, pas de hijab, et des choses de ce genre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et Annie, je dis pas ça pour me vanter, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple, Allah Musta'an. J'ai éteint la télé, pour éviter la fitna. Qu'est-ce qui est arrivé? Subhanallah, j'étais étonné de voir que certains parmi ces gens-là qui avaient l'air religieux à l'extérieur, mashallah, eh ben c'était ces gens-là qui ont été les premiers à réagir de façon négative et à essayer de me poser des questions pour me dire, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es avec l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar et tout ça? Je lui ai dit, mais non, mais c'est une obligation pour chaque mu'min, chaque musulman. Et puis là, par la suite, j'ai essayé de lui expliquer, j'ai dit, mais subhanallah, regardez ici dans la société où on est, en Arabie Saoudite, on ne voit pas une seule femme dehors sans qu'elle soit voilée de la tête aux pieds. Et là, toi, tu rentres chez toi, tu allumes ta télévision et tu commences à regarder d'autres femmes qui ne sont pas voilées. Est-ce que ça fait du sens? Hein? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Donc, il faut se poser la question, parce que quand on regarde la télé, peu importe, il y a des films ou des émissions, il y a des femmes tabarrijat, il y a des femmes qui ne sont pas voilées, qui montrent leurs atours, etc. Et c'est souvent, ils choisissent des femmes qui sont plus fitna pour justement détourner les gens du droit chemin. Donc comment on va accepter de regarder ces femmes-là alors qu'on sait qu'à l'extérieur, dans la rue, on ne peut pas les voir, Donc c'était clair la question, mais c'est juste que les gens sont habitués maintenant à voir. Que c'est comme s'ils s'imaginent que qu'est-ce qu'ils voient à la télé, c'est comme un monde imaginaire, c'est pas un monde réel, et donc tout ce qui est imaginaire ou tout ce qui est pas réel, c'est permis. Tu vois un homme avec une femme, cet homme-là il est marié, et cette femme-là elle est mariée dans la vraie vie, Mais dans cette émission-là, ils jouent le rôle de mari et femme. Et là, ils vont faire tout ce qu'un homme fait avec sa femme. Yani, subhanallah, comment des musulmans peuvent accepter une chose pareille, hein? Donc c'est juste pour vous donner un exemple. Et les ulama, ils ont expliqué que le théâtre, puis les cinémas, puis toutes ces choses-là, d'être un acteur ou de jouer des rôles, de se faire passer pour d'autres et puis de faire semblant qu'on est quelqu'un, yani, ça c'est haram. Et il y en a certains musulmans qui disaient, mais non, on sait que c'est pas pour vrai, on sait que c'est juste une histoire, et c'est pas la réalité, donc c'est pas grave. Si on regarde réellement, si on observe comme il faut la situation, parfois même ça peut être la lecture d'un roman. Quelqu'un va lire un roman. Et dans le roman, il y a des descriptions de scènes de zina, ou bien dans le film, il y a des exemples de zina ou des choses de ce genre. Le fait que ce soit imaginaire, est-ce que ça rend la chose halal? Yani, d'imaginer un crime ou un meurtre, ou d'imaginer le zina, ou d'imaginer des choses qui sont haram, c'est aussi haram que de le faire, même si tu l'imagines. Donc des fois, ça, c'est parce que les gens sont un peu coupés ou éloignés de la réalité des choses et ils se laissent tromper. Hein. Parce que les koufars, à la base, dans leur société, on sait que le théâtre, ça vient des Grecs. Hein. Il y a des ulama qui ont écrit des livres là-dessus. Et ces gens-là, ces Grecs-là, étant donné que leur société leur fondement dans leur société n'est pas clair, ils ont besoin de ces exemples-là, de ces cinémas, de ces théâtres-là, pour essayer de comprendre à la société la voie qu'ils veulent faire suivre aux autres. Tandis que nous, on a le Coran et on a la Sunna. On a une société qui est établie sur quelque chose de clair, de solide. Et pour nous, c'est inutile d'avoir à utiliser ces choses-là pour influencer le comportement des gens ou pour essayer de les amener à changer leur point de vue ou leurs opinions. On n'a pas besoin de passer par ces moyens indirects là. On peut directement leur expliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire comprendre la réalité de qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent suivre et qu'est-ce qui est bon pour eux. Pas besoin de passer par des théâtres. Et on voit que yani, certains groupes musulmans, malheureusement, ils sont tombés dans cette fitna, hein, parce que les koufars, ils ont une grande estime pour soi-disant l'art, et ils rentrent dans l'art tout ce qu'ils aiment, yani, même si c'est complètement absurde ou même si c'est contraire à la morale. Eux, ils disent quand ils veulent justifier l'obscénité ou les péchés ou le mal, ils disent non, mais non, c'est de l'art. Hein, l'art, il n'y a pas de morale dans l'art, on peut faire ce qu'on veut. Donc, même des musulmans sont rentrés là-dedans, ils ont dit, ouais, ben nous, on n'est pas contre l'art, on ne peut pas interdire le théâtre, parce qu'on accepte, on est pour l'art. Yani, a'oudou billah, yani. C'est une façon de rendre halal ce qui est haram en l'appelant art. Donc, Allah nous en protège. Et le cheikh, il dit, wa qawluhu, يدعون إلى الخير أي يدعون إلى الإسلام وشريعته وإلى الإيمان. Donc ils appellent au bien, c'est-à-dire ils appellent à l'islam, ils appellent à la sharia et à la foi. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله. ولكن الله جل وعلا أفرده بالذكر تأكيدا لشأنه. وإلا فهو داخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Il dit que ça fait partie du da'wa, ça fait partie du fait d'appeler les gens à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné spécifiquement d'une façon indépendante du da'wa pour faire comprendre l'importance qu'il a dans l'islam. Parce que en réalité, ça fait partie du da'wa. Ordonner le bien et d'interdire le mal. Alhamdulillah. Donc, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie du da'wa et ça rentre dans le da'wa. Donc, mais Allah, pour montrer son importance, il l'a mentionné tout seul. Et le cheikh dit: Wal muradu bil ma'ruf, kullu ma amara Allah bihi ta'ala min al-ta'at, summiya ma'rufan. لأن العقول السليمة تعرفه ولا تنكره. Donc, le cheikh, il dit que le ma'ruf, c'est quoi? C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné parmi les obéissances, les choses de, qu'on doit faire, comme les choses de, d'adoration, les choses qui nous sont ordonnées de faire. Et ils ont, on les a appelés ma'ruf. Parce que la raison d'une personne qui est propre, elle va le connaître, elle va le reconnaître, elle va l'accepter. Elle va pas le rejeter. Wal munkar, kullu ma naha Allahu anhu. وسمي منكرا لأن العقول السليمة تنكره. Donc le munkar, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et Allah l'a appelé munkar parce que les gens qui ont un esprit propre, ils vont le rejeter justement. Après, le cheikh dit وأعظم الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد وبعده سائر الأوامر الشرعية وأعظم المنكر الشرك بالله ثم بقية المخالفات من الذنوب والمعاصي فالمعروف إذن يشمل كل الطاعات والمنكر يشمل كل المعاصي. Donc le cheikh, il dit que la plus grande forme de ma'ruf, de bien, c'est le tawhid. Et après, suivent toutes les autres formes de commandements de la sharia. D'accord? Donc le plus grand ma'ruf, c'est le tawhid. C'est ça qu'on doit commencer à ordonner et à commander aux gens en premier, et ensuite tous les autres commandements de la sharia. Puis le plus grand munkar, le plus grand mal, c'est le shirk billah. Puis ensuite toutes les autres contradictions et les péchés et les désobéissances qui sont contraires à la sharia. Et donc le ma'ruf implique tout ce qui est bien, et tout ce qui est dans ça englobe tout ce qui est dans les obéissances et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le munkar, ça englobe tous les péchés et toutes les contradictions à la sharia. Ensuite le cheikh, il dit thumma qala jalla wa ala wa ulaika humul muflihun, et le cheikh dit ay alladhina yad'una ila Allah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar humul muflihun حصل الفلاح فيهم فدل على أن الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لا يفلحون. Donc le cheikh dit que ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, ce sont eux qui auront le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala a limité le succès à ces gens-là. Ça veut dire que toute personne qui n'ordonne pas le bien et qui n'interdit pas le mal, eh bien, il ne fait pas partie de ceux qui auront le succès. Après, le cheikh, il dit un autre verset. « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah, fahada khitabun lihadihil ummah, kuntum ay ummata l'islam, khayra ummatin ukhrijat linnas, liannahum anfa'un nasi linnas, yad'unahum ilallah, wa ya'murunahum bil ma'ruf, وينهونهم عن المنكر ويخرجونهم من الظلمات إلى النور ويبصرونهم ويعلمونهم فهذه أمة هي خير أمة أخرجت للناس لما تقوم به من نفع العالم لإخراجهم من الظلمات إلى النور فخيرهم ليس قاصرا عليهم بل هو متعد الى غيرهم فلذلك نالوا هذه الخيريه. Donc le cheikh, il explique ce verset qui est le verset 110 dans sourate Ali Imran, qui dit: vous êtes certes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et il dit que ça, c'est un appel pour cette umma. Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes, c'est-à-dire la umma de l'islam, la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, parce que vous êtes la plus bénéfique pour les gens. Vous êtes les gens les plus bénéfiques pour les autres. Vous les appelez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous leur commandez le bien, vous leur interdisez le mal, et vous les faites sortir de l'obscurité, des ténèbres, vers la lumière, et vous leur faites voir et vous leur enseignez les choses qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc une umma qui est bien, qui est la meilleure des nations, une umma, une nation qui est la meilleure des nations, sortie pour les hommes. c'est ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que yani, vous amenez un bien qui est bénéfique pour le monde entier et vous les faites sortir de l'obscurité et des ténèbres vers la lumière. Donc votre bien ne se limite pas à vous-même, hein? Votre bien yani, va même jusqu'aux autres. Et c'est pour cette raison-là que vous avez atteint ce niveau de bien-là, yani, de bonté que Allah subhanahu wa ta'ala vous a décrit comme tel dans ce verset-là. Parce que le bien que vous faites, c'est pas juste pour vous-même, hein. Et on voit qu'il y a d'autres peuples qui n'ont pas été khayrun nas, comme par exemple al-Yahoud, les Juifs. C'est une nation qui a reçu des livres et des messagers, puis qui limite toujours ces choses-là à eux-mêmes. Tandis que pour nous, la Umma de l'Islam, c'est différent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé et ordonné d'amener le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Hein? Donc on est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Yani, alhamdulillah. Wa qawluhu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Hadha min sifat hadhihi al-umma allati hiya khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et ça c'est parmi les caractéristiques et les attributs de cette nation yani, qui est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf ay bi kulli ta'atin wa khayr wa tanhawna 'anil munkar ay kulli ma'siyatin wa shar. Vous ordonnez le bien, c'est-à-dire tout ce qui est obéissance et bien, et vous interdisez le munkar, c'est-à-dire tout ce qui est péché et mal. وتؤمنون بالله يعني الشيخ الزيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان ولهذا قال بعده تؤمنون بالله ذكر الخاص قبل العام فالذي يريد أن يكون من خير أمة أخرجت للناس يقوم بهذا العمل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Donc le cheikh il dit que vous croyez en Allah, hein, ça c'est, c'est-à-dire que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de la foi. Hein, et lorsque vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, vous allez faire cette chose-là, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le mal, et faire sortir les gens, hein, de l'obscurité vers la lumière. Donc vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, encore une fois. الشيخ الذي ولو تخلت هذه الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهبت خيريتها لأنها إنما نالت هذه المرتبة وهذه الخيرية بهذه الخصلة العظيمة. Donc le cheikh il dit que si la Umma de l'Islam abandonne l'ordonnance du bien et abandonne l'interdiction du mal, alors elle n'est plus la meilleure nation qui est sorti pour les gens. Parce que la chose qui lui a permis d'atteindre ce degré-là, ce niveau-là de bien, elle est partie. C'est-à-dire, quand on a cessé d'ordonner le bien, d'interdire le mal, eh bien, on sort de la description d'être qui fait de nous la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Ok? Et ça, c'est pour ça qu'on comprend que, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait décrit les gens de Bani Israël, comme étant son peuple choisi, et bien c'est parce qu'ils avaient respecté et appliqué et suivi les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont cessé de respecter ses ordres et de suivre le droit chemin? Et bien ils ne sont pas restés avec cette caractéristique-là, et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi en dehors d'eux un autre peuple. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, il dit wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Si vous vous détournez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous échanger pour un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. Donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, si un peuple ne veut pas respecter ses commandements, il ne veut pas suivre ses ordres, et bien subhanallah, lui il va trouver un autre peuple qui va suivre sa religion et qui va respecter ses ordres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum min an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. C'est-à-dire, ô les croyants, celui d'entre vous qui laisse tomber sa religion, qui se détourne de sa religion ou qui quitte sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faire susciter un peuple qui l'aime et qui l'aime, qui sont fiers et puissants avec les mécréants et qui sont humbles et doux avec les croyants et qui combattent dans, et qui luttent dans le chemin d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne. Hein? Donc ça nous montre que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, si on quitte cette responsabilité-là d'ordonner le bien et d'interdire le mal, eh ben, on va sortir de cette description-là. On ne sera plus la meilleure nation qui a été sortie pour les hommes, et Allah va faire susciter une autre nation que nous, hein, pour faire respecter ses règles. Le cheikh dit ensuite, فَهُمْ يُسْلِحُونَ عَقَائِدَ النَّاسِ وَيُسْلِحُونَ أَعْمَالَهُمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ وَآدَابَهُمْ وَيُقِيمُونَهُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَأَيُّ نَفْعٍ لِلْعَالَمِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا النَّفْعِ. Donc le cheikh, il dit, eux, ils corrigent, hein, ils réforment les croyances des gens, ils les ramènent au droit chemin dans la croyance et dans leurs actions et dans leurs transactions quand ils font des choses, des transactions avec les autres, et dans leur manière, hein, ils corrigent toutes ces choses-là et ils les ramènent à rester droit sur le droit chemin et à se tenir debout sur le droit chemin. Donc quel bien est plus grand que le bien de ces gens-là? Il y en a, quel bien est plus grand que le bien que ces gens-là amènent aux autres? Il n'y en a pas. Donc le cheikh, il dit ensuite, أما الذي يخرج للناس الآلات المدمرة والأسلحة الفتاكة فهذا لا يريد الخير للناس وإنما يريد الهلاك وإرادة الخير للناس هي من الأمر وإرادة الخير للناس هي في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne celui qui donne aux gens des instruments de destruction et des armes de destruction, alors celui-là, il ne veut pas le bien pour les hommes, il veut leur destruction. Tandis que celui qui veut le bien pour les gens, c'est celui qui ordonne le bien dans la société et qui interdit le mal. Hein? Donc après le cheikh, il dit, قال سبحانه مادحا بعض أهل الكتاب ومستثنيا لهم من قومهم الذين اشتهروا بمخالفتهم لرسلهم وكتبهم قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين أي قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il mentionne un verset dans sourate Ali Imran, c'est le verset 113 et 114, qui dit, ne sont pas tous égaux. Parmi les gens du livre, il y a une nation parmi eux qui est, ou bien il y a un groupe parmi eux qui est établi sur le fait qu'ils récitent les versets d'Allah durant la nuit et qui se prosternent et qui croient en Allah et au jour dernier et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et qui se précipitent vers toutes les choses qui sont bonnes. Et ceux-là, ceux-là sont parmi les gens qui sont pieux. Et le cheikh, il dit que, فَوَصَفَهُمْ بِصِفَةِ صَلَاحِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهَذَا صَلَاحُ أَنفُسِهِمْ ثم ذكر من صفاتهم إصلاحهم لغيرهم فقال تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم يصلحون غيرهم فالمؤمن يريد الخير للناس كما يريده لنفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la caractéristique, ou les a décrits comme étant des gens qui sont bien pour eux, en eux-mêmes, c'est-à-dire ils récitent le livre d'Allah durant la nuit, ils croient en Allah au jour dernier, etc. Ça, c'est du bien qu'ils ont en eux-mêmes, pour eux-mêmes. Tandis que, yani, il les a décrits également avec la caractéristique qu'ils font du bien et qu'ils corrigent les autres également. C'est-à-dire, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et ça, c'est yani, du fait qu'ils corrigent les autres. Hein? Ils veulent du bien pour le reste des hommes. Donc, le mu'min, il veut du bien, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres autour de lui. Et il veut pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il ait aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. D'accord? Puis le verset en passant, parfois certaines peuvent avoir une mauvaise compréhension de ce verset-là, qui est dans surat 113-114, dans le Coran, dans surat Ali Imran. Toutefois, ce verset, comme ça a été expliqué par les ulama de tafsir, il se rapporte au roi de l'Éthiopie, Al-Najashi, parce qu'il avait cru en l'islam, mais il ne pouvait pas l'exprimer ouvertement. Donc il cachait sa foi, mais il faisait partie des mu'minin. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des gens du livre, malgré qu'ils étaient des mu'minin, des croyants. Et également, c'est qu'il faut comprendre que aussi, parmi les gens du livre, ceux qui ont cru à leur prophète, à leur époque, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ceux-là qui respectaient cette description-là également faisaient partie des mu'minin, des croyants. Ok, et ça c'est important de comprendre ça. Et non que tous les chrétiens d'aujourd'hui sont tous des mu'minin comme certains essaient de le faire comprendre. Et puis, yani, ceux parmi eux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, hein, on en voit très très peu aujourd'hui dans les gens du livre. C'est la minorité. Et donc, c'est pour ça que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre qu'il ne faut pas prendre ces gens-là qui se disent chrétiens tous comme des exemples, des références pour dire que ce sont des yani, qui sont sur l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné à leur messager. Ceux qui n'ordonnent pas le bien, qui n'interdisent pas le mal, eh bien, ils avaient déjà contredit les ordres de leur prophète. Ceux qui disent vivre et laisser vivre aujourd'hui, là, et qui se disent chrétiens, là, ça c'est des gens qui ont dévié déjà avant même la venue de l'islam. Le cheikh il dit والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يريد للناس الخير والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يريد للناس الشر. Donc le cheikh il dit ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, c'est ceux qui veulent du bien pour les gens, tandis que ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui veulent du mal pour les gens. ويتصور بعض الناس أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتدخل في أمور الناس وأنه متعجل وهذا من انتكاس المفاهيم. Certaines personnes s'imaginent que celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il se mêle des affaires des gens et qu'il est, c'est une personne qui est pressée. Et ça fait partie du fait que ces gens-là, leur compréhension a été un peu désordonnée, mise à l'envers. والحق أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يريد للناس الخير ويريد لهم الإصلاح والذي يسكت ويقول أنا لا أتدخل في شؤون الآخرين هذا هو الذي يريد للناس الشر ويحب لهم ولا يحب لهم الخير. Donc le cheikh il dit, et la vérité c'est que celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il veut uniquement le bien des gens. Et il veut les corriger et les amener vers ce qui est bon. Tandis que celui qui se tait quand il voit le mal, hein, et qui ne commande pas le bien, il dit, moi là, je ne me mêle pas des affaires des autres. Hein. On entend souvent des gens comme ça. Ah non, moi je ne parle pas, je ne me mêle pas des affaires des gens. Eh bien, celui-là, c'est lui qui veut du mal pour les gens. Et il ne veut pas du bien pour les gens. Subhanallah. Donc le cheikh il dit قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة لما ذكر ما وقع من أهل الكتاب من قولهم الإثم وأكلهم السحت قال سبحانه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ça c'est le verset 63 dans Sourat Al-Ma'ida. Okay. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qu'est-ce qui est arrivé parmi les gens du livre. Okay. Quand ils قولهم الإثم وأكلهم السحت. Ça veut dire, en parlant des rabbins, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pourquoi les rabbins et les docteurs, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la loi religieuse, ne les empêchaient-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger les gains illicites, hein, que leurs actions sont donc mauvaises, hein, parce que ils n'ont pas ordonné le bien et n'ont pas interdit le mal. Ces rabbins-là, ils les ont laissés faire. Donc le cheikh il explique, il dit قوله لولا أي هلا, pourquoi ils n'ont pas fait ça, وهذا لوم من الله جل وعلا لعلماء أهل الكتاب الذين سكتوا وتركوا قومهم يقولون الإثم ويتكلمون بكل كلام قبيح ولا ينهونهم. Donc ça c'est un blâme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les savants de parmi les gens du livre qui se sont tais et qui ont laissé leur peuple dire le péché, dire les paroles de péché et manger les biens illicites et de parler dans toutes sortes de mauvaises paroles. Ils ne l'auront pas interdit. ويأكلون السحت وهو الحرام من الرشوة والربا وغير ذلك. Ils mangent qu'est-ce qui s'appelle السحت. Et السحت c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est haram parmi les الرشوة. الرشوة c'est la corruption. Et الربا. الربا c'est quoi? C'est les intérêts. Donc al-rishwa c'est quoi? C'est comme par exemple de l'argent que tu donnes à quelqu'un pour qu'il te donne un service, mais pas dans quelque chose qui nécessite pas naturellement habituellement de l'argent, hein. Donc par exemple tu vas voir, par exemple, je sais pas moi, tu as brisé une loi, ou tu as fait quelque chose contraire au règlement, et pour te faire excuser, au lieu de recevoir la peine et tout ça, tu dis à la personne qui est responsable, que ce soit un policier ou quelqu'un comme ça, tu lui dis, ben écoute, on s'arrange comme ça, je te donne comme $50 et puis on oublie l'affaire, hein. C'est une forme de richoua, de corruption. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et ça fait partie des choses qui sont haram dans l'islam. Et là j'ai donné un seul exemple, mais bien entendu il peut y en avoir beaucoup d'autres, d'accord. Donc rishwa c'est quelque chose de vraiment mauvais, parce que ça cause beaucoup de problèmes dans l'économie. On trouve ça malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, la corruption à tous les niveaux. À chaque niveau il y a quelqu'un qui veut sa peur, il y a quelqu'un qui veut sa partie du gâteau, disons. Et donc ça fait que à la fin, en tout cas, vous connaissez tous la situation. Et en Occident, il y en a de la corruption. Il y a des musulmans qui s'imaginent que la corruption c'est seulement dans les pays musulmans, et que dans les pays de Kufr, tout le monde est propre et honnête, parce que il y a des je sais pas moi, des organisations, je sais pas quoi encore, pour surveiller ces choses-là. Et ils oublient de comprendre, ou bien ils comprennent pas qu'en réalité, la corruption qui existe dans les pays occidentaux est beaucoup plus grande que celle qui existe dans les pays musulmans. Mais c'est juste qu'elle est faite d'une façon sophistiquée, que les gens ne voient pas. C'est parce que c'est caché. C'est fait à des niveaux tellement hauts, et tellement bien fait, tellement sophistiqué, tellement moderne, que les gens ne l'aperçoivent pas. Tandis que dans les pays musulmans, c'est des gens qui le font, et c'est à un niveau très bas et c'est simple, alors tout le monde s'en aperçoit, parce que c'est pas caché, ou bien c'est caché mais mal caché, Tandis qu'ici ici au Québec, il y a pas longtemps, on a eu un scandale qu'on appelle les commandites, ils ont appelé ça le scandale des commandites, Il y a des millions de dollars qui ont circulé, sans qu'on sache d'où ça vient et où ça allait et tout ça. Puis, ils ont fait des procès puis tout ça. Mais il n'y a personne qui a été puni pour quoi que ce soit de ces choses-là. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y en a des musulmans, et malheureusement, j'ai remarqué ça, qui sont éblouis par l'Occident, puis qui s'imaginent qu'ici, c'est la justice, et qui ont une vision ténébreuse et obscure de tout ce qu'il y a dans les pays musulmans, et s'imaginent parfois même que les pays musulmans sont pas des pays musulmans, et que les pays coffres sont des pays musulmans. Ils voient que les pays non musulmans sont plus justes, et mieux, et meilleurs que les pays non musulmans. Et ça vient de leur manque de compréhension de l'islam et leur manque de compréhension de la réalité de la société de Kufr, sur quoi elle est basée. Comme ici, par exemple, on donne le chômage aux gens, et on donne, par exemple, une aide sociale pour les pauvres, ceux qui n'ont pas de travail, on leur donne de l'argent. Et donc, il y a beaucoup de musulmans qui trouvent que ça, c'est bien. Quand ils viennent ici, ils s'imaginent que c'est une question de justice, puis de bien. Et quand il y a l'hôpital, tu peux aller à l'hôpital et tu payes rien et tout, donc les gens disent waouh, ça c'est une société bien, parce que les gens sont généreux, ils nous donnent des traitements gratuits. Et ils s'imaginent, ils réalisent pas qu'en réalité il y a rien de gratuit. C'est avec ton argent qu'ils te donnent ça. Ils font juste te remettre une petite partie de l'argent que toi tu as donné dans tes impôts et dans les taxes et dans toutes les choses que tu payes à l'année longue. Il y a tellement de taxes, c'est incroyable. Alors les gens, ils sont dupés à croire qu'il y a une justice, alors qu'en réalité, ces gens-là, ils sont en train de manger l'argent des gens, dans le mensonge et dans l'injustice. Parce que ces taxes-là, ils n'ont pas le droit de les prendre. Mais, pour des gens qui ne craignent pas Allah, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, il faut connaître la réalité de l'islam et la réalité de ces gens-là pour comprendre les contradictions qui existent dans leur société et puis pour ne pas se laisser éblouir par ça. Et le Cheikh Abdul Malik Ramadani, Hafizahullah, Masha'Allah, il a écrit un bon livre à ce sujet-là. Masha'Allah, il a écrit un bon livre, ça s'appelle رفع الذل والصغار عن المفتونين بخلق الكفار. ما شاء الله. Ça c'est un bon livre qui explique qu'il ne faut pas se laisser donner la fitna par le comportement et l'attitude des kuffars. Il y en a qui s'imaginent qu'ils sont tellement honnêtes et qu'ils sont ponctuels dans leurs rendez-vous, ils respectent leurs engagements et tout ça. Donc ils s'imaginent que ça là c'est des caractéristiques qui font d'eux là des gens bien et tout ça. Et en réalité, ils réalisent pas pourquoi ces gens-là sont comme ça. Pourquoi ils ont ces caractéristiques là. OK? Donc parfois le cheikh il expliquait qu'il y en a certaines caractéristiques de ces choses dans ces types de comportements là qui sont innés dans certaines personnes, ça c'est il n'y a pas vraiment de mérite vis-à-vis de cette personne là puisque c'est pas quelque chose que la personne s'est forcée pour avoir, elle l'a inné, c'est Allah qui lui a donné, donc le mérite revient à Allah là-dedans. Mais sinon il y en a d'autres personnes, ils le font mais c'est pour d'autres intentions ou pour d'autres intérêts. C'est parce que s'ils le font pas, c'est sûr que leur business va pas fonctionner. S'ils sont pas ponctuels, s'ils ne sont pas honnêtes et tout ça, ils savent qu'ils vont perdre leurs clients, donc ils sont obligés de respecter ça. Et ils le font pas certes pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour espérer une récompense de sa part. D'accord? Donc déjà l'action qui est pas faite pour Allah, on sait que n'est pas acceptée. Et il y a beaucoup d'autres explications également dans son livre. C'est des gens qui font tout par intérêt. Tout par intérêt. Ils font jamais quelque chose sincèrement de leur cœur. Et quiconque étudie un petit peu l'histoire, et les réalités qui sont produites entre les peuples musulmans et les peuples occidentaux à travers l'histoire, avant la colonisation, même, on peut reculer même à l'époque des croisades et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est des gens qui ont toujours manqué à leurs paroles et qui ont toujours été malhonnêtes et qui ont trompé les musulmans des centaines et des milliers de fois et qui continuent. Et qui, malheureusement, on voit que maintenant, aujourd'hui, des musulmans, ils ont été trompés à croire que c'est des gens honnêtes et on les voit, des musulmans, aller faire des manifestations devant la Maison Blanche, puis devant les Nations Unies, en espérant de ces gens-là avoir une justice, alors que c'est des gens injustes en eux-mêmes. Donc de chercher la justice de l'injuste, c'est un peu une contradiction, mais comme on dit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, Cheikh, il dit, la bi'sa ma kanu yasna'u ha'ula'i rabbaniyuna wal ahbar wa huwa as-sukut 'anil munkar wa zammahum Allah subhanahu wa ta'ala 'ala hadha as-sani' wa huwa tark al-amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar wa tark an-nas yufsiduna fil ard wa la yubayyinuna lahum ma yunkirun wa la yunkirun 'alayhim. فإن سكوت العلماء يجرئ الفسقة والسفهاء ويحملهم على التمادي ولذلك استحقوا لعنة الله عز وجل كما قال تعالى في هذه السورة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Donc le cheikh il dit que les actions de ces gens-là, il y en a des rabbaniyoun, des rabbins et des docteurs de la religion chez les juifs, c'était des actions mauvaises. Parce que c'est des gens qui se taisaient lorsqu'ils voyaient le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés d'avoir fait ça, c'est-à-dire d'avoir abandonné l'ordre, le commandement du bien et l'interdiction du mal. Et d'avoir laissé les gens faire le désordre sur la terre. Et de ne pas avoir clarifié aux gens les choses qui sont mauvaises qu'ils faisaient. Et le silence des ulama, ça incite les gens pervers et les faibles d'esprit à devenir de plus en plus insolents dans leur désobéissance. Et ça les amène à dépasser toutes les limites. Et c'est pour cette raison-là que ces rabbins-là et ces prêtres-là ont mérité la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Ma'ida également, le verset 78-79, qui dit que les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et la langue de Isa ibn Maryam, parce qu'ils ont désobéi et parce qu'ils transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient, et comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Donc le cheikh il dit la'anahum Allah subhanahu wa ta'ala wal la'nu huwa at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah 'azza wa jalla wa la'anahum 'ala lisan Daoud wa 'Isa ibn Maryam wa hadhan nabiyyan min anbiya'i bani Israil anzala Allah la'natahum 'ala lisan hadhain an-nabiyyain al-karimain. Donc le cheikh il dit que la malédiction c'est quoi? Al-la'n, c'est d'éloigner quelqu'un de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il les a maudits par la langue de deux de ses prophètes qu'il a envoyés aux fils d'Israël, et c'est-à-dire Daoud et Isa, fils de Marie. Ce sont deux parmi les prophètes de Bani Israël. Donc, le cheikh, il dit... وما ذكره الله جل وعلا عن أهل الكتاب من الذنب والوعيد نحن المخاطبون به من أجل أن نتجنب فعلهم وطريقهم فالله جل وعلا ما ذكر لنا في الكتاب من الذنب والوعيد إلا من أجل أن نتجنب طريقهم ونحذر مما سبب لهم ذلك من المخالفات. Il y a des musulmans qui vont peut-être s'imaginer que l'histoire de Bani Israël, ça s'applique juste à Bani Israël. Mais en réalité, c'est une leçon pour nous. Pour ne pas faire les mêmes choses que Bani Israël ont fait, dans le but d'éviter la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour pas qu'on tombe dans les mêmes choses qu'eux ont fait. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et comme j'ai dit au tout début, la semaine prochaine, bi'ithnillah, on ne va pas continuer dans ce livre parce qu'on est arrivé à la fin. On va stopper le livre maintenant et on a fait tous les chapitres. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah? C'est un livre du Cheikh Salih Al-Fawzan, un livre du Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, Kitab al-Ilm, le livre de la science. On va expliquer certaines parties de ce livre-là, et puis on verra par la suite quel autre dars on pourra faire, parce qu'il y a une autre dars qui m'intéresse aussi, à propos de Tadwin al-Sunnah. Comment la Sunna a été rassemblés et mis ensemble depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 9e siècle. Ça, c'est un des cours qu'on avait à l'université à Médine, et c'est un cours très important et très intéressant, et j'ai pensé que peut-être ce serait une bonne chose de le faire avec vous, mais on verra inchallah si c'est la meilleure chose à faire. On va analyser la situation, inshallah. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et barakallahu fikum, et à la semaine prochaine, inshallah. Assalamu alaikum.